Quindi adesso la dottoressa Rossi parlerà sempre dei rapporti economici dell'Egitto ellenistico-romano. Erant naues omnibus hostis nili custodi exigendi portori cause disposite. Il y avait, à toutes les bouches du Nil, des vaisseaux placés là pour exiger les droits d'entrée. C'est ainsi que l'auteur anonyme du Bellum Alexandrinum décrit l'organisation des voies d'accès navigables à la terre du Nil, en établissant ainsi un rapport étroit entre le contrôle du fleuve, Nili Custodia, et celui fiscal par les prélèvements douaniers, exigendi portori. L'expression Nili Custodia traduit le grec potamophylakia, désignant dans la Koiné d'Égypte l'une des formes du contrôle du territoire mise en place par l'Égide, puis maintenue et développée sous la domination romaine de l'Égypte. Attesté 126 fois dans les papyrus, évoqué dans deux passages littéraires et mentionné dans une dédicace à un préfet d'Égypte, la garde du fleuve n'a généralement pas intéressé les historiens ni les papyrologues. La potamophylakia est ainsi presque complètement absente des ouvrages de Daniel Bonnot. L'auteur y consacre tout de même quelques lignes dans une note de bas de page de l'ouvrage sur le régime administratif des eaux du Nil. Wallace, en 1938, consacre deux pages aux taxes liées à la potamophylakia, en inventoriant la documentation papyrologique qui s'y référait. L'esquier l'évoque parmi les composantes de la marine militaire d'époque ptolémaïque et romaine. Et ce n'est qu'en 2012 que la potamophylakia a retenu l'attention d'une juriste, Barbara Anagnostou Canas, dont la contribution ne figure pas dans la bibliographie puisqu'elle n'a pas encore donné lieu à publication, et en 2013, celle de Thomas Cruz, qui a consacré des pages fort intéressantes avec une mise à jour bibliographique et documentaire à la question de la potamophylakia à l'époque ptolémaïque. Globalement, la garde du fleuve apparaît plutôt marginale dans l'historiographie, surtout lorsqu'on la compare à une autre forme du contrôle du territoire, nommée dans le grec d'Égypte eremophylakia, donc la garde du désert, et liée donc aux voies de communication terrestre. La garde du désert, pour sa part, attestée 135 fois, donc pas beaucoup plus que la potamophylakia dans les papyrus, a davantage intéressé les historiens et les papyrologues tels que Bagnall, Sipestein, Wallace, Delahaye et Henning. Pour autant, la documentation conservée invite à s'interroger sur la place que tenait la garde du fleuve au sein des dispositifs publics du contrôle des circulations d'hommes et de marchandises sur le territoire égyptien, en l'occurrence sur le Nil. Elle conduit également à s'intéresser à la manière dont s'articulait sur le territoire le contrôle militaire ou policier d'une part, celui fiscal par les prélèvements douaniers d'autre part. Et elle invite aussi à réfléchir aux formes diverses des manifestations de l'autorité publique dans ce contexte. C'est donc à ces questions que je me consacrerai aujourd'hui en développant ma réflexion en trois temps. D'abord, je m'intéresserai au vocabulaire de la garde du fleuve. Ensuite, je traiterai des acteurs et de son organisation. Enfin, je tâcherai de préciser les relations de nature fiscale et administrative entre la potamophylakia et les pratiques du contrôle douanier. Et potamophylakia est un composé tardif du grec d'Égypte, résultant de la juxtaposition des mots potamos et phylakia, que l'on traduit dans une acception très générale, certes, fleuve et garde. Le substantif, dans sa forme de composé, n'est jamais attesté dans les sources littéraires en langue grecque, et il apparaîtrait dans les papyrus assez tardivement, vers la fin du 1er siècle de notre ère, dans l'expression merismos potamophylakias, c'est-à-dire un impôt de répartition pour la garde du fleuve. Mérismos, impôt de répartition, potamophylakias, au génitif de la garde du fleuve. La chronologie basse de la formation de ce composé dépend en effet de la chronologie basse de la formation du mot phylakia. Et tous les composés dérivés de phylakia et ayant phylakia en second terme sont assez tardifs. Il s'agit d'une constatation qui a été déjà faite par Chantraine dans le dictionnaire étymologique de la langue grecque. Plus anciennes sont en revanche deux autres formes du composé ayant en second terme phylax, phylakos, c'est-à-dire le garde, et phylakis, phylakidos, le féminin qui est souvent accompagné par le mot naus, donc le navire de garde. Ces deux mots-là apparaissent avant le mot phylakia et ils apparaissent notamment dans les documents d'époque ptolémaïque. Le premier date de 158 avant notre ère et nous voyons un certain Aspheus jouer le rôle à avoir la fonction de potamophylax. Le navire apparaît pour la première fois en 162 avant notre ère, toujours dans le nom Héraclépolis. L'acception particulière que prend le mot potamos dans le grec d'Égypte permet de préciser l'étendue territoriale de la garde du fleuve. En effet, le mot désigne différentes réalités hydrauliques selon que l'on se réfère au delta ou à la moyenne Égypte. Dans les papyrus se référant au delta, le mot potamos désigne à la fois le Nil et ses ramifications, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Dans les documents se référant aux régions en amont du delta, le mot potamos désigne le Bahr Youssouf et ses prolongements dans le Fayum, en gardant donc dans ce contexte une valeur géographique propre. Quant au terme de phylakia, phylax et phylakis, il s'agit de dérivés du verbe phylasso, qui signifie monter la garde et qui est très souvent attesté dans les papyrus, dans les sources littéraires. Il convient de souligner que le terme phylax, phylakos, qui fait partie du composé qui nous intéresse, coexiste dans le grec d'Égypte avec un autre mot qui dérive de la même racine et qui est le mot de phylakites, phylakitou, et qui désigne le corps de police attesté à l'époque l'Égide. Certains auteurs ont adopté la traduction pour le mot potamophylakia, police du fleuve. C'est pour cette raison que moi je vais donner la traduction garde du fleuve, puisque comme nous le verrons, même si le mot ces gardes fonctionnent en partie comme un corps de police, le mot ne permet pas de traduire à proprement parler avec police du fleuve. Le terme phylakis, phylakidos, enfin, se trouve attesté outre que dans les papyrus, aussi dans les sources littéraires. Dans les papyrus, on en compte 100 occurrences, dont on remarquera que 94 se réfèrent à la garde du fleuve. Et on en retrouve aussi, d'après le TLG, 34 dans les sources littéraires. Dans les sources littéraires, il est parfois accompagné du terme naus, neos, donc navire, navire de garde, et une seule fois par un nom spécifique de navire, trière, dans une source très tardive. Globalement, d'après les restitutions qui ont été proposées par les spécialistes, le mot potamophylakis, donc le navire, serait le plus largement attesté dans le dossier papyrologique de la potamophylakia. 16 occurrences se référeraient aux gardes et 19 à la taxe. Or, il convient de souligner que ces attestations résultent dans la quasi-totalité des cas du développement d'abréviations qui se présentent dans la forme que voici, mais dont une typologie précise n'a pas été établie. Et je pense que il serait important de tenter au moins, par les photos et l'autopsie des papyrus originaux, tenter de définir une typologie des abréviations, tout simplement pour préciser à quelle réalia ces abréviations correspondent. Et surtout, d'un point de vue fiscal, quelles en sont les répercussions? Paye-t-on une taxe pour entretenir des navires? Paye-t-on une taxe pour payer les salaires des gardes? Ou bien paye-t-on une taxe pour la garde tout court? Le mot se référant au bateau et à la taxe ou à la charge de la garde du fleuve apparaît dans les deux seuls parallèles latins dont on dispose dans les sources documentaires. En particulier, un papyrus, un registre Widitim datant de 90 de notre ère, dont la provenance est à présent inconnue, qui mentionne le potamophylakide, donc le navire sur lequel Titus Flavius Keller avait prêté service. La deuxième occurrence est bien plus remarquable, puisqu'elle se retrouve dans une inscription provenant de Malaga, et le terme potamophylakia intègre la titulature officielle du préfet de la flotte d'Alexandrie. Le préfet de la flotte d'Alexandrie en question est Lucius Valerius Proculus, dont on détaille dans cette inscription Lucus. Ces sources latines constituent des apax, donc des unicum dans la documentation. Le grec en dehors de l'Égypte, et donc le latin des sources littéraires, préfère comme d'habitude une périphrase. Ils n'utilisent pas, ils ne composent pas avec deux mots, ils ne créent pas de composés, mais ils se servent d'une périphrase qui est celle de Nili Custodia ou Fluminis Custodia pour transposer le grec potamophylakia. On remarquera que l'une de ces deux références littéraires fait allusion au rôle que cette garde du fleuve aurait eu dans la perception des impôts, dans la collecte des impôts douaniers. Je soulignerai aussi que cette périphrase n'apparaît, d'après les recherches que j'ai pu mener, mais peut-être quelque chose m'a échappé, mais en tout cas, cette périphrase ne revient pas d'après le Claus Database pour les inscriptions latines, ni avec le mot cura, ni avec le mot custodia, et on n'en retrouve pas des parallèles non plus dans la documentation épigraphique en langue grecque. Ce qui semblerait faire croire que la garde du fleuve est une réalité spécifique au Nil, que les Romains avaient hérité de l'Agide et qu'ils n'avaient peut-être pas élargis à d'autres contextes. Et je pense notamment au contexte de l'Euphrate, contexte voisin, qui pourrait présenter des points de comparaison intéressants. Récapitulons brièvement les apports du vocabulaire. D'abord, l'étude du vocabulaire permet de préciser la définition spatiale de la potamophylakia qui s'attache au fleuve et à ses ramifications artificielles et naturelles. Le deuxième apport porte sur la nature de la charge, qui, en l'apparence, s'éloigne par l'utilisation du mot phiulax, phiulakos, d'un domaine proprement policier, mais qui, dans les faits, nous le verrons, s'inscrit dans un contexte éminemment militaire. Le troisième apport découle de l'étude quantitative des occurrences du mot, puisque le mot apparaît seulement 13 fois à l'époque lagide. Toutes les autres occurrences apparaissent à l'époque romaine, avec un sensible enrichissement du vocabulaire. Cet enrichissement du vocabulaire porte sur la création d'un mot désignant une taxe et sur l'intégration du mot potamophylakia au titre du préfet de la classis alexandrine. Peut-on, sur la base de ces enrichissements et variations du vocabulaire, dont les documents étudiés ne reportent qu'un état partiel et fragmentaire, arguer que la présence romaine en Égypte engendra des modifications dans le fonctionnement de ce corps de garde. Et, le cas échéant, de quelle nature sont-elles ces modifications? Les documents de la pratique révèlent avant tout des continuités dans la mixité ethnique de la garde du fleuve. Quoique peu nombreuses, les données onomastiques conservées illustrent qu'à l'époque lagide, des Grecs comme des Égyptiens intégraient la potamophylakia, même si les Égyptiens apparaissent en plus nombreux. À ce même constat conduit l'étude de la documentation d'époque romaine. 11 gardes du fleuve égyptiens sont évoqués dans une liste rédigée sur Ostracon au IIe siècle de notre ère, tandis qu'un potamophylax grec, ayant bénéficié de la citoyenneté romaine sous Vespasien, apparaît dans un registre Wittitim de 88 de notre ère. Concernant les statuts de ces gardes du fleuve, on peut vraisemblablement supposer qu'il s'agissait des membres de l'armée de terre, qui se situaient au niveau le plus bas de la hiérarchie militaire lagide. Ainsi, dans un document datant de 164 avant notre ère, on trouve des corps indigènes, que traditionnellement dans les papyrus on appelle maakimoi, qui ont été désignés, tétagmenoi, pour servir en qualité de nucléaires maakimoi. Le terme est, il vaut mieux ne pas le traduire à mon avis, donc nucléaires maakimoi, sur des navires de garde, epiton phylakidon. Donc, cette phrase se retrouve dans un contexte textuel plus large, qui est celui de la spécification relative à la surface de la terre concédée aux militaires de l'armée. Et les nucléaires maakimoi semblent avoir eu de la terre dont les dimensions oscillent entre 5 et 7 arours. Cette 5 arours étant la limite minimale de la terre concédée aux militaires lagides. 4 autres documents que voici, publiés dans la collection berlinoise de Begeu 14, font état de l'extension de la vocation productive et de la localisation de la terre donnée en concession aux potamophylakes. Il convient de souligner que dans ces documents, Ces hommes qui servent sur les navires de garde sont appelés Podamofiulakes, ce qui n'est pas négligeable à mon sens. Les clairons possédés par les gardes du fleuve avaient une surface maximale de 10 arours, étaient cultivés à blé et étaient tous situés dans le nome Héraclopolite. Ces villages étaient probablement le lieu de résidence de ces gardes pendant la période d'inactivité, tout aussi bien que le lieu de résidence de leur famille. Il ne s'agit pas nécessairement de lieu d'exercice exclusif de leur fonction, que l'on peut raisonnablement supposer comme très mobile. Vers la fin du IIe siècle avant notre ère, ces gardes du fleuve font aussi l'objet des amnisties royales, les décrétant protégés de toute attaque et de toute dénonciation. Les statuts des Podamofiulakes d'époque romaine semblent avoir été les mêmes, c'est-à-dire ceux de l'armée. Et je cite à ce sujet le seul document explicite dont nous disposions dans la documentation papyrologique, à savoir le registre Wiritim, qui était un registre de détachement des militaires de leur camp pour aller servir pendant des durées de temps limitées. Ces documents d'époque romaine laissent entrevoir aussi d'autres données intéressantes, à savoir la manière dont dispatchaient ces gardes du fleuve sur le territoire et la durée de leur charge. En effet, Lucius Fabius Keller avait servi pendant moins d'un an à bord du navire de garde. Les autres militaires mentionnés dans le même registre avaient servi pour une durée de temps limitée et ils avaient exercé des tâches qui s'inscrivaient aussi dans un contexte civil, à savoir accompagner le blé fiscal à Neapolis, donc dans les entrepôts de Neapolis ou dans les entrepôts d'Ad Mercurium, et surveiller la production de papyrus. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le registre, dans la liste des Potamophiulakes d'époque romaine que j'ai évoquée tout à l'heure, des 11 Potamophiulakes, on dit, en ouverture du document, que ces hommes avaient servi pendant le mois de Mésorée, donc pendant le mois de septembre, pendant une année, l'année sixième, d'un principat non mieux précisé. Cela laisse penser qu'en effet, ces Potamophiulakes ne constituaient pas un corps de garde spécialisé et que la durée et le lieu de leur engagement étaient précisés en fonction des besoins conjoncturels. Faute de nouvelle documentation, ces considérations ne peuvent pas être élargies aux Potamophiulakes d'époque lagide. L'organisation de ce corps de garde demeure difficile à appréhender. Ils avaient été probablement incorporés à l'armée de terre à l'époque lagide et ils avaient été affectés peut-être, la documentation n'est pas suffisante à ce sujet, intégrés au corps de police. Dans ce cas de figure, on peut supposer qu'ils relevaient de l'autorité de l'archifulakites, c'est-à-dire du chef de police. Archifulakites, Fulakites étant le nom de la police. Tout aussi vraisemblable paraît l'idée d'un encadrement par la hiérarchie de la marine militaire, notamment par le fonctionnaire préposé aux navires de la flotte maritime qui, avec des navires fluviaux maritimes ou maritimes, accompagnait les marins pour aller chercher le blé qui leur était dû dans les noms Arsinoïte et Héraclopolite. De même, nous ne disposons pas de données qui prouvent la nature publique ou privée, militaire ou marchande des navires nommés Fulakides. En se fondant sur le papyrus Pi Poetke 18, Thomas Cruise, que j'ai cité tout à l'heure dans la bibliographie, met en avant l'hypothèse de l'existence d'une flottille royale et de l'utilisation de navires militaires. Compte tenu de la documentation que je pourrais détailler s'il y aura des questions, il me paraît à présent impossible de trancher sur le premier point, à savoir sur la nature publique ou privée des navires. Concernant le second point, je pense qu'on pourrait tout aussi admettre que des navires de charge, de petit et moyen tonnage, ayant des caractéristiques maritimes ou fluvio-maritimes, étaient utilisés dans ces fonctions, à l'instar des thalassaploi, c'est-à-dire des navires maritimes, qui accompagnaient les marins dans les documents que je viens d'évoquer. On soulignera également le caractère assez marginal de ces navires dans le paysage nautique égyptien. Parce que s'il est vrai qu'on compte 100 occurrences du mot Fulakides pour les navires, il est tout aussi vrai que 94 se réfèrent à la garde du fleuve. Et puis, Lionel Cass, une chose assez étonnante, n'a pas du tout enquêté sur la question. Ce qui, à mon avis, s'explique parce qu'on n'a pas assez de données pour les définir. Non conjecturales sont les hypothèses que les documents d'époque romaine laissent envisager, puisque l'inscription de Malaga prouve qu'à partir au moins du 1er siècle de notre ère, voire du 2e, ces gardes du fleuve relevaient de l'autorité du préfet de la flotte d'Alexandrie. Les choses se compliquent lorsqu'on s'intéresse au navire. Nommé de façon explicite, en particulier dans la source latine, mais aussi d'après les restitutions proposées par les papyrologues, le plus fréquemment attesté dans les documents fiscaux. En effet, le prélèvement d'une taxe pour l'entretien des navires, aux côtés de la taxe pour le paiement des salaires ou bien pour la taxe de la garde, pourrait laisser penser à la constitution sous les Romains d'une flottille publique affectée à ces fonctions. Mais à mon sens, une telle hypothèse ne s'impose pas, puisque l'armée aurait pu facilement s'assurer la disponibilité des navires par les réquisitions rémunérées, ce qui est largement prouvé dans les documents papyrologiques, ou bien encore par le recours aux navires des armateurs et des bâtiments de transport qui déjà travaillaient pour les transports fluviaux en fonction du ravitaillement en blé in fine de Rome. Nous disposons d'informations plus précises sur les fonctions des potamophiles, la caisse. Les fonctions s'inscrivent dans trois domaines distincts. Action de nature policière dans les ports, escorte de navires et protection du courrier officiel. La fonction de protection des noms clairs dans le contexte portuaire est attestée uniquement par les documents d'époque ptolémaïque et uniquement par un seul document. Donc, toute généralisation, à mon avis, est à éviter. Je vous propose ici d'étudier, dans la mesure de la documentation disponible, des études de cas précis. C'est tout ce dont nous disposons. En tout cas, en 158 avant notre ère, le Potamophiulax Aspeus est repris et rappelé à l'ordre par le scribe royal du nom Héracleopolite parce qu'il avait, il s'était taché de négligence vis-à-vis d'un noclair qui avait été victime de malversation. Ce noclair avait subi des graves dommages à son navire et un vol de 3000 talents de bronze alors qu'il stationnait dans le port d'Anchiropolis. Outre que faciliter la réparation du navire, comme le suggère Thomas Cruise, il est tout aussi probable que le Potamophiulax Aspeus aurait pu œuvrer pour l'identification et la capture des brigands en question. Ce qui est le plus intéressant ici est de constater que les événements en question se déroulent dans un port, alors que le navire est amarré. Doit-on dès lors supposer que les gardes du fleuve devaient aussi patrouiller dans le port en recouvrant aussi donc les tâches des Ormophiulages, c'est-à-dire des gardes du port qui sont connus par la documentation papyrologique? Cela me paraît probable, mais la documentation d'époque lagide ne suffit pas à s'exprimer à ce sujet. La fonction d'escorte est attestée tantôt dans le domaine militaire, tantôt dans le domaine fiscal. En ce qui concerne le domaine militaire, il s'agit du papyrus Begeu 1784 et d'une restitution douteuse du mot ouragia. Ouragia en grec signifierait escorte. Mais là encore, je maintiens aux restitutions les plus certaines par les papyrologues français en particulier. Donc, les informations les plus intéressantes que nous retrouvons dans ce document concernent la logistique de la garde du fleuve. Parce qu'on voit que les gardes du fleuve assuraient l'escorte de l'arrière-garde de l'armée sur des tronçons définis du parcours fluvial et qui se relayaient avec d'autres potamophiulages qui étaient déjà présents sur les autres parcours. Donc on a un système, on entrevoit un système assez complexe de relais sous le parcours du Nil. Le deuxième document fait état de l'activité d'escorte des navires qui transportaient du blé à destination d'Alexandrie et qui transitaient sans doute par les ports du nom Héracleopolite et par le port de Memphis. Il est probable, à mon avis, que ces mesures de sécurisation s'inscrivaient dans un contexte exceptionnel de niveau très bas de sécurité des navigations, et la chronologie des documents, sur laquelle je ne vais pas m'attarder ici, mais je pourrais développer ensuite, porte bien à croire que Dans la circonstance d'un danger de navigation, les autorités d'Agide renforcer la sécurité de la navigation par les gardes du fleuve. Et c'est dans ce même contexte, notamment dans la révolte juive, que le seul document d'époque romaine témoigne de la mobilisation des gardes du fleuve pour escorter le courrier officiel échangé entre les fonctionnaires du nom. L'ensemble de ces tâches pouvait, à mon sens, être désigné par les périphrases latines de custodia fluminis ou custodia nili. Il convient tout de même de nuancer le lien établi par l'auteur du Bellum Alexandrinum entre la custodia nili et les prélèvements douaniers situés aux embouchures méditerranéennes du Nil, tout comme au sein du parcours fluvial. Certes, des potamophiles qui se stationnaient dans le port d'Alexandrie, où se trouvaient également des bureaux douaniers, il est probable que les nocleurs s'acquittaient du paiement pour les frais de garde qui devaient surveiller les navires pendant leur parcours, mais la documentation est trop fragmentaire à ce sujet. Donc on a du mal à voir, si l'on s'en tient au pseudo-César, comment s'articuler le contrôle du fisc par les douanes et le contrôle militaire. Outre la proximité géographique des postes de contrôle militaire et fiscal, on relèvera surtout les contaminations qui se produisirent entre le champ sémantique des douanes et celui des postes de garde. Alors que le grec littéraire, et notamment Strabon, appelle les douanes égyptiennes Fulakai, donc Fulakai c'est le poste de garde, comme le font par exemple Strabon et Agatharchide de Cnide au sujet de la Hermopolitica Fulakai et de la Thébaïca Fulakai, ou bien encore de Skedia, le grec d'Égypte, quant à lui, privilégie un autre lexique, celui des Pulai, à Alexandrie, en Moyenne-Égypte et dans le désert oriental, celui des Limenes, dans les cas de Memphis et Sienne Elephantine. Dans les deux cas, ces termes renvoient à des réalités géographiques et topographiques dans lesquelles se situaient les bureaux douaniers. Les portes, Pulai, dans un cas, et les ports, Limenes, dans l'autre. Ces exemples sont significatifs de la polysémie des termes que je viens d'évoquer et invitent donc à la plus haute prudence quant à l'identification des postes de garde avec des postes de douane. Ainsi, l'association entre ces deux lieux de contrôle au long du Nil ne peut pas être élargie à toutes les époques et moins encore à la totalité du territoire égyptien. Les documents de la fiscalité l'illustrent. Pour l'époque de l'Agide, nous disposons de très peu de données. Deux documents seulement peuvent être reversés au dossier de la Potamophylakia et se relient de façon indirecte, et je le souligne, aux taxes servant à l'entretien de la garde du fleuve. Pas simplement l'évocation de Fulakai, mais ça ne suffit pas pour le prouver. Les documents d'époque romaine, pour leur part, sont beaucoup plus nombreux. On en dispose globalement de 112-113 et distribués de façon plus ou moins homogène sur le territoire égyptien. Les 78 reçus provenant de la Haute-Égypte étaient émis sous l'autorité des percepteurs fiscaux. Ces percepteurs fiscaux étaient désignés par l'État et s'appelaient Praetores Sargunicon. Ils étaient écrits par des scribes professionnels ou par des secrétaires, qui s'y mentionnait, qui s'identifiait explicitement dans le document. Ces reçus enregistraient les paiements faits dans les localités de Thèbes et Sienne Elephantine pour l'entretien de la garde du fleuve, aussi bien que pour l'entretien des navires, aussi bien que pour l'entretien de la garde tout court. Donc on retrouve ces développements d'abréviations énigmatiques. Le vocabulaire fiscal se développe autour d'un verbe. Le verbe est diagrapho et désigne, dans beaucoup de documents, la fiscalité directe. Donc, on a une séparation par rapport aux douanes. Aussi, on soulignera le lien existant entre les lieux de perception de la taxe et les lieux de stationnement des navires ou d'activité des gardes fluviales que l'on peut supposer lorsqu'on trouve attesté des potamophiles. Donc, d'après la documentation papyrologique, on trouve attesté des potamophiles seulement à Hermopolis Magna et à Thèbes. En revanche, les quittances pour la taxe de la garde du fleuve proviennent de deux localités différentes que sont Thèbes et Sienne Elephantine. Thèbes et Hermopolis Magna ont conservé la trace de douane. Cette douane était appelée Bastramont-Fulaquet. En revanche, Sienne et Éléphantine, qui se situent à la frontière méridionale de l'Égypte, donc à la frontière avec la Nubie, ont conservé aussi une trace de douane. Sauf que cette douane, elle s'appelle l'Imen Sönes, la douane du port de Sienne. Les documents conservés dans la Moyenne Égypte appartiennent à d'autres catégories documentaires et présentent un vocabulaire fiscal très similaire, mais des formulaires différents. Quoi qu'il en soit, les villages concernés, Théadelphi, Euméria, Sokno-Païounésos, Teptunis et Bakias, étaient tous situés à proximité des canaux navigables qui assuraient les communications entre les canaux du Fayum, le Bahr Yousouf, qui est cette branche du Nil, et ensuite, toujours par voie de canaux, avec le Nil. Dans le même temps, il marquait les limites territoriales des Mérides du Nom. Contrairement à ce qu'on relève pour la Haute-Égypte, les localités où on payait la taxe ne correspondent que dans trois cas à l'emplacement de bureaux douaniers. Ces trois cas sont les suivants. Sokno-Païounésos, au nord, Bakias, toujours au nord, Teptunis, au sud. Or, même s'il s'agit de localités qui ont été très longuement fouillées, on peut également supposer que ces localités assurer un rôle majeur dans les relations avec la haute, avec le nord, donc avec Memphis et in fine Alexandrie, et avec le sud, en particulier avec le nom Oxyrhynchi. Le dossier que je vais évoquer en guise de conclusion est le dossier du Limen Memphéos, c'est-à-dire de la taxe portuaire de Memphis, qui pose de gros problèmes et qui ne peut pas être identifié immédiatement avec un impôt qui a un rapport avec la garde du fleuve et avec un impôt qui a en même temps un rapport avec les transports fluviaux. Ainsi, le dossier de la Potamophylakia nous a permis de tenter de reconstituer les processus historiques ayant amené à la constitution d'un contrôle public du Nil et des espaces aux fonctions multiples qui en permettait l'exploitation par les hommes, à savoir les postes de garde, les douanes et les ports. Le vocabulaire de la garde du fleuve a gardé la trace des transformations que la présence romaine en Égypte engendra dans le domaine des pratiques du contrôle militaire et fiscal des circulations fluviales. Par la réorganisation partielle de ce corps de garde et par l'institution d'une fiscalité nouvelle qui en assurait l'entretien, l'autorité publique s'était rendue responsable de la sécurisation des voies d'eau navigables et par là, du contrôle des biens et des hommes qui y circulaient. Je vous remercie de votre attention. Allora, grazie per questa relazione che è stata molto puntuale nell'evidenziare il doppio ruolo di questa di questa polizia fluviale che aveva anche un controllo sulla fiscalità. Io darei però la parola alla platea, agli specialisti per domande sui temi sollevati da questa relazione. Nous n'avons pas beaucoup de spécialistes du Nil ici, donc, mais bon, ça m'a vraiment beaucoup intéressé cette escorte des navires qui est une des fonctions. Et les documents que tu nous cites, ce sont surtout des documents, effectivement, tu le dis, il y a besoin d'une escorte de navires parce qu'on est en temps exceptionnel. Oui. Révolte des Juifs, etc. Mais moi, ma question, c'est. Et la question que je renvoie à l'ensemble de la salle, où il y a plus spécialistes que moi de tous ces problèmes de navigation, est-ce qu'il n'y a pas aussi une aide technique de ces navires? Voilà, puisqu'on parlait des pilotes pour rentrer, est-ce que ces navires peuvent avoir une aide technique? Alors, à ce sujet, il faut bien entendu tenir compte aussi des tonnages des navires et des conditions de navigabilité. Dans la zone où ont été conservés ces papyrus, c'est-à-dire dans le nom Héracléopolite, nous sommes encore dans une zone fluvio-maritime en aval, je pense, du Nil, où des navires au gros tonnage d'environ 10 000 artabes pouvaient encore circuler. Le problème, c'est jusqu'à quel point les données papyrologiques correspondent à des réalités géographiques précises ou bien on manque des réalia, justement, de cette fonction d'escorte. À ma connaissance, cette fonction technique n'est pas bien documentée par les papyrus. Nous pourrions tout de même, je pense, tirer quelques éléments d'analyse dans ce sens par les documents qui font état de la mobilisation des gardes du fleuve et surtout des accidents du parcours du fleuve et voir dans quelle mesure l'État donne pour voir par la mobilisation des gardes du fleuve une aide technique à la navigation. Mais qui naît, et ça dépend aussi de la nature des documents. Les documents sont des documents fiscaux qui n'ont pas le but de les censer. Pourquoi seulement en Égypte ? Puisque tu dis, cette réalité-là, on ne la trouve pas ailleurs. Non. Je crois qu'il y aurait des pistes à creuser. Merci vraiment pour votre communication et pour aussi vous êtes mis à la portée des non-spécialistes, je trouve. Et ça a été très, très clair. Au moins, si on n'a pas de documents ou c'est difficile de trouver pour d'autres fleuves, comme les fleuves qu'on a vus jusqu'à présent, est-ce que sur les périodes, on peut extrapoler sur d'autres périodes ? Parce que, malheureusement, pour revenir au Rhône, hier, quand j'ai fait la présentation, on a un site dont on ne connaît pas la fonction. Et ce n'est pas une fonction commerciale. Et donc, ce site d'Ulmé, qui est 5e, 6e, on pense que c'est... Nous, on imagine ce type de fonction. Donc, sur le Nil, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a quelque part cela perdure au-delà des périodes que vous avez étudiées ? Et c'est archéologiquement, à mon avis, il y a beaucoup de sites qui sont pas compris et qui sont pas interprétés sur d'autres fleuves et qui pourraient correspondre tout à fait aux fonctions que vous avez décrites. Et donc, c'est vraiment très important et merci pour la qualité de votre communication. Mais merci beaucoup. Oui, et en effet, la question du bâtiment dont vous avez parlé hier questionne. Le problème concernant les données archéologiques sur le Nil, c'est qu'elles tiennent aux initiatives de différentes institutions et que la situation actuelle, actuelle très récente et moins très récente, fait qu'il est compliqué de mener des recherches archéologiques en Égypte de la même manière où on le mène ici en France, par exemple, ou en Italie. Cela dit, j'ai ciblé certaines institutions qui se sont occupées notamment des fouilles à Skedia, mais aussi en particulier l'Institut autrichien qui s'est occupé de Sienne et Elefantine, et puis bien entendu l'IFAO, parce que nous disposons de quelques éléments d'analyse dans les fouilles, mais il faudrait essayer de faire un effort pour jongler les compétences des textes et les compétences des données archéologiques. À savoir que le cours du Nil est certainement immense et tout, mais nous pouvons, à partir des données topographiques, des données des sources écrites, cibler des recherches sous certains endroits. Je parle notamment de Memphis ou de Sienne-Elefantine. Concernant la période et donc l'approche éventuelle de longue durée, oui. Je pense que c'est un élément clair, surtout parce que nous disposons des documents douaniers d'époque antérieure, d'époque saïte, qui ont été publiés par Desca et entre autres par Desca, et d'époque postérieure. Et notamment l'équipe exoise qui est attachée à l'INEMAM s'intéresse beaucoup aussi à ces questions. Nicolas Michel, si je ne me trompe pas. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'approche de la longue durée et l'approche multiscalaire est fondamentale. Merci Lucila pour cette présentation, c'était passionnant, je ne connaissais absolument pas... la garde du fleuve sur le Nil. Et en fait, c'est juste une réflexion que je veux te livrer, peut-être une piste. Moi, effectivement, je connais absolument pas le Nil. Mais tout à l'heure, tu parlais des navires de la garde fluviale qui pourraient être des navires de charge de petit ou moyen tonnage maritime ou fluviaux. C'est bien ça ? Fluvio-maritime ou maritime. Voilà. Et tu parles de petit ou moyen tonnage. Alors, écoute, moi, la seule réflexion que je voulais te faire, c'est d'imaginer une garde fluviale qui doit utiliser, j'imagine, des bateaux qui doivent surtout être manœuvrables. Et donc, pour pouvoir être manœuvrable, on pense plutôt à des petites unités avec une propulsion mixte, voile et rame, pour pouvoir se déplacer assez facilement. Et du coup, alors, je ne sais pas si c'est des discussions que tu as pu avoir avec Julia, mais je voulais t'orienter aussi sur Patrice Pommet, parce qu'il a quand même pas mal travaillé en Égypte, alors plutôt sur des navires de mer liés à la mer Rouge, mais il connaît quand même assez bien la batellerie du Nil, et je pense qu'il pourrait te donner des éclairages sur cette question. Et surtout, du coup, je me demandais si tu t'étais intéressé ou si tu avais essayé de poser la question, donc peut-être une question à relayer à Patrice Paumet, sur les sources iconographiques qui sont quand même assez riches sur les représentations des navires. Voilà. Oui, merci beaucoup. Alors, la garde du fleuve est une découverte très récente aussi pour moi. Avant, je n'avais pas l'habitude de travailler sur ce type de document ou sur ces questions-là. Et c'est pourquoi je n'ai pas encore pu soumettre la question des navires Fulakides à Patrice Paumet. J'ai eu des échanges avec Patrice Paumet sur la batterie fluviale parce que je m'étais intéressée au Kerkuro et c'est des navires qui sont malheureusement attestés seulement dans les papyrus, mais je suis tout à fait convaincue comme toi qu'il faut des navires de petit tonnage et les papyrus illustrent que les petits tonnages ont des variations extraordinaires de ce point de vue-là, moyenne de production mixte dont témoignent à la fois les sources littéraires, à la fois la documentation papyrologique. Parce que pour la Cubaya, par exemple, qui a été étudiée par Lucien Bache et aussi par Lionel Carson, on a vraiment des papyrus qui témoignent qu'on avait un certain nombre de rameurs, où on a des lettres dans lesquelles on commande de nous envoyer 20 coussins pour 20 rameurs. Et donc, il s'agit sans doute de ce type de navire-là, dont l'agilité est fondamentale. C'est pourquoi je pense que tu as raison. C'est nécessaire. Autrement, ça perd tout sens, cette fonction. Merci beaucoup. En tout cas, j'en parlerai à Patrice Paumet.